Chapitre 14. Mes amis chez le père Jean. On atteignit un endroit où le taillis avait été coupé l'année précédente. Le bois de corde et la garde des gros arbres étaient enlevés, mais il restait encore des bourrées empilées sur la lisière des chemins d'exploitation et de gros tas de bois à charbon qu'on apercevait au milieu des jeunes pousses. Il était bientôt midi, l'air était lourd, le soleil brûlant et la chaleur devenaient accablantes dans ces sables dépourvus d'ombrage. Aimé ne pouvait plus avancer. « Nous y voilà, lui disait le père Antoine. Allons, encore un effort. » Et il montrait aux enfants une épaisse fumée qui s'échappait d'une clairière à 50 pas de là. Enfin on arriva, et nos amis se trouvèrent en présence d'un homme qui, assis sur le gazon, mangeait tranquillement son pain en regardant brûler le fourneau qu'il venait d'allumer. Au premier abord, les enfants pensèrent que c'était un nègre. « C'est mon ami Jean, leur dit le père Antoine, un compatriote à moi, qui est venu s'établir charbonnier par ici. » Jean détourna la tête et reconnut son ami. « C'est encore moi, dit celui-ci. » « Il n'y a pas de reproche, fit Jean, en lui tendant sa main noire. « Je le sais. Ça ne va pas ?»« Pas bien fort. Mais ce n'est pas là ce qui me ramène. Je viens te demander un service. Parle. Voici deux petits. C'est malheureux comme les pierres. La misère, quoi. Mais c'est bon, je les connais depuis longtemps, Jean répond. Ils étaient exploités par un misérable. Ils se sont échappés. Comment ? Ils te le diront. Enfin, les voilà. Si je les abandonne sur les grands chemins, on les ramasse, et on les envoie l'un d'un côté, l'autre d'un autre, dans quelques maisons de correction. Faut pas laisser faire ça, ce serait les perdre. Prends-les avec toi. À eux deux, ils valent bien le garçon qui t'a quitté. Ils travailleront et tu les nourriras. Tu trouveras une petite place pour les loger. Enfin, tu feras pour le mieux. Il est bien possible que l'État ne leur plaise pas. S'ils trouvent mieux, ils le prendront. Fais comme s'il t'appartenait. C'est bien, dit Jean avec gravité. Il sera fait comme tu désires. Merci, mon vieux. « Bon, il n'y a pas de quoi. Ne faut-il pas s'entraider en ce beau monde ?»« Ça, venez ici, vous autres, » dit le père Antoine, en prenant les deux enfants par la main. « Voilà votre maître, ou plutôt votre père, car c'est un bon et brave homme que mon ami Jean. Il faut lui obéir et bien faire la besogne qu'il vous commandera. Dame, ce n'est pas un métier de muscadin. Avant 8 jours, vous serez aussi noir que lui. Mais cela importe peu si vous êtes aussi honnête. Sur ce, au revoir et bon courage. S'il plaît à Dieu, je repasserai par ici au mois d'octobre. » Le brave homme embrassa les deux enfants, serra encore une fois la main de son ami et partit tout à fait. Jean conduisit les deux enfants dans sa maisonnette, une espèce de hutte en terre dans laquelle était installé son ménage de solitaire. Cela se composait d'un lit de feuilles sèches, d'un bahut, d'un fourneau portatif, de 2 marmites en terre, de quelques assiettes, d'une demi-douzaine de cuillères et fourchettes en étain et d'une cruche en grès, pour l'épuiser de l'eau à la fontaine. « Voici ma demeure, dit-il à mes amis. » « Dame, ce n'est pas beau, mais on y est bien tout de même. Toi, petite, comment t'appelles-tu »« Aimée. Toi, petite aimée, tu seras notre ménagère. Je ne veux pas que tu touches au charbon. À nous deux, ton frère et moi, nous suffirons à la besogne. Vois-tu, tu gouverneras la maison, tu tremperas la soupe, tu feras la lessive, tu raccommoderas notre linge. Ce sera bientôt fait, va, sois tranquille. Il n'y en a pas beaucoup. Sais-tu coudre ?»« Non, répondit Aimée en rougissant. « Bon, c'est pas la peine de rougir, je te montrerai, moi. » Puis aussi à savonner nos hardes. Si tu as de la bonne volonté, tout ira bien. » Jean, qui avait amassé une provision de feuilles sèches à quelques pas de sa demeure, leur en apporta suffisamment pour dresser 2 lits. Puis il exigea que mes amis quittassent les beaux habits que leur avait donnés la princesse de Rochemoussu et reprirent les vieux que César avait apportés sur son épaule, au bout d'un bâton. « Il faut garder cela pour les dimanches et les jours fériés, disait Jean. On ne peut pas travailler lorsqu'on est en toilette. » Et il avait bien raison. Le soir, après la journée de travail, il les conduisit à Arbonne, où il acheta un dé à coudre, des ciseaux, des aiguilles et du fil pour Aimée, qui ne s'attendait pas à tant de générosité. Elle était reconnaissante, et cela faisait plaisir à Jean, qui s'amusait de voir combien elle était fière de pouvoir enfin, comme toutes les fillettes de son âge, porter des ciseaux attachés par un ruban à la ceinture de son tablier et coudre ses robes s'il en était besoin. César était toujours songeur. Balthazar galopait comme un fou dans les rues du village, entrait dans toutes les cours et mettait le nez à toutes les portes. « Qu'est-ce qu'il a donc ?» disait Jean. Tout à coup, il disparut. César, inquiet, partit devant pour le chercher, Aimé le suivit. On entendait le caniche qui aboyait dans une cour au fond de laquelle se trouvait une maison toute basse et toute petite dont les 2 uniques chambres avaient leurs fenêtres encore ouvertes. César entra. Les bonnes gens soupaient. « Qu'as-tu donc ?» demanda Aimé à son frère. « Pourquoi es-tu si pâle ?» On ne voyait point Balthazar, mais on l'entendait toujours. « Madame, dit poliment César à la maîtresse du logis, notre chien est dans votre jardin. Voulez-vous nous permettre d'aller le chercher ?»« Attendez, il faut que je vous ouvre la porte. Ne vous dérangez pas, nous l'ouvrirons bien. Si vous savez comment, on s'y prend, allez. » Mais voyez donc comme les animaux sont subtils. Il a fallu pour entrer dans le jardin que celui-ci monta au grenier et qu'il en descendit par l'échelle, qui est appuyée sur la lucarne. Un homme n'aurait pas trouvé ça. Les enfants se rendirent au jardin. Balthazar était fourré dans une petite loge en maçonnerie. On eut de la peine à l'en faire sortir. Il fallut l'emporter. « Viens, dit César à Aimé, que je te montre comment il y a de belles roses par ici. » Et il contourna un avancement que formait le four sur le jardin. Les roses étaient superbes en effet. C'étaient des millefeuilles, mais elles commençaient seulement à s'ouvrir. Mes amis qui n'osaient en cueillir se contentaient d'en respirer le parfum. « Tiens, vous saviez donc qu'il y avait là des rosiers, dit la femme, qui ne voyant pas ressortir les enfants, était venue pour voir ce qu'ils faisaient. Ils ont été plantés par ceux qui possédaient la maison, avant nous. De braves gens qui sont morts, bien malheureusement. Vous en avez peut-être entendu parler. » César n'eut pas la force de répondre. Il se sauva parce qu'il avait envie de pleurer. Dehors, il put donner cours à ses larmes et son cœur fut soulagé. « Qu'a-t-il donc, ton frère ?» demanda la femme à Aimé. « Pourquoi se sauve-t-il comme cela ?»« C'est sans doute parce qu'il ne veut pas faire attendre notre maître qui est dans la rue. »« Votre maître ? Ah, mon Dieu ! Est-ce que vous êtes déjà en condition ?»« Oui, répondit Aimé en fermant la porte. » Puis elle ajouta, « Je vous remercie, madame. »« Il n'y a pas de quoi, ma petite, » dit obligeamment la femme. « À une autre fois, si l'occasion se représente. » Aimé sortit, et trouva Jean qui questionnait César. « Voilà ce que c'est, » dit la petite fille, « dans le temps que nous étions à Paris, il rêvait toujours de la campagne, de bois, de villages, de rochers, enfin de tout ce qu'on voit par ici, n'est-ce pas, César ? C'est bien singulier. Allez, cette petite maison et ce jardin, on nous dit qu'il les connaissait. N'est-ce pas, dis donc, César ?» Le pauvre enfant sanglotait. « Nous ne reviendrons plus par ici, va, calme-toi, » lui disait Jean, qui ne savait que penser de cet accès de douleur. On rentra, tout attristé, à la maison. Cependant, le lendemain, dès le matin, César se mit courageusement à l'ouvrage. Il était fort et ne s'épargnait pas la peine. Jean l'encourageait. Quant à Aimé, elle rangeait, lavait et balayait comme une petite femme. Jean lui avait appris comment il fallait faire, et elle s'acquittait déjà bien de sa tâche. Puis il lui montra à coudre. Il fallait voir le bonhomme assis sur l'herbe, les jambes croisées à la façon des tailleurs, tenant d'une main une grosse aiguille dans laquelle était passée une aune d'un gros fil noir. On mettait des bouts de manche à une blouse de laine. Jean cousait en surjet. Ce n'était pas fin, oh non, mais cela tenait bien, car le fil était solide. Il disait à Aimé, « Vois-tu bien, petite, regarde comme cela se fait. On attache un bout de l'étoffe à sa ceinture, on tient le reste ferme et bien tendu avec sa main gauche. » De la main droite, on passe l'aiguille comme cela, on la tire de l'autre côté, et le point se trouve fait. Essaye un peu à ton tour, pour voir si tu réussiras. » Aimé prenait la manche et essayait, mais elle ne réussissait pas toujours. Pour un point qui pouvait rester, il en avait 10 qu'il fallait défaire. Tout lui causait de l'embarras. C'était son dé qui tombait, le fil qui se bouclait, l'aiguille qui se défilait, que sais-je encore. Puis elle prenait trop d'étoffe. « Ne mords pas tant, petite, ne mords pas tant, » disait le brave homme. Enfin, à chaque instant, elle se piquait les doigts. Mais ce n'était qu'un menu détail. Elle ne s'en plaignait point. César, accroupi devant elle, disait « Pas si loin, le point sera trop grand. » Ou bien « Un peu plus à droite, un peu plus à gauche. » Il lui ramassait son dé et enfilait les aiguilles. Après quelques leçons, Aimé était aussi forte que son maître, qui, dans sa joie, imagina de tailler dans de vieux vêtements à lui une blouse et un pantalon de fatigue pour César. Il prit la peine de bâtir toutes les coutures. Aimée fut chargée de les coudre. Elle s'en acquitta à la satisfaction générale. « Dame, vous pensez bien que les points se laissaient voir. D'autant plus que le fil noir, étant venu à manquer, on avait été obligé d'en employer du blanc. Mais j'en trouvais cela superbe. C'était le principal, n'est-ce pas ? » Et puis, deux jours après, il n'y paraissait plus. Tout était de même couleur. Certes, on ne menait pas une vie molle et oisive dans la hutte du charbonnier. Et le soir, chacun se couchait sur son lit de feuilles sèches, sans demander que la journée fût plus longue. Mais enfin, on avait fait son devoir, et on s'endormait, le cœur satisfait. Balthazar prenait un goût tout particulier à ce genre de vie. Il allait et venait à sa guise, courant dans le bois toute la journée, mais se trouvant toujours à la maison à l'heure des repas pour manger, et la nuit pour monter la garde. Nos amis le laissaient faire. Il paraissait d'ailleurs si bien connaître les chemins qu'il n'y avait pas lieu de se préoccuper de ses absences. Pourtant, un soir, il ne rentra pas à l'heure ordinaire. On fut inquiet. Le lendemain, César remarqua que le caniche avait du sang au cou et des égratignures aux oreilles. « Il se sera battu à la chasse, » dit Jean. Et les choses en restèrent là. Deux jours plus tard, il n'était pas encore rentré à l'heure du souper. On n'y fit point attention. On se coucha même sans l'attendre. Mais cette fois, il ne revint pas. Jean et ses amis s'en allèrent dans tous les villages des environs pour demander si on ne l'avait point vu. Il est venu tous les jours de la semaine passée, leur dit la maîtresse de la petite maison d'Arbonne, mais depuis deux ou trois jours, nous ne le voyons plus. Il était donc perdu, ou bien, qui sait, mort dans quelque fossé, loin de ceux qui l'aimaient. Les pauvres enfants ne pouvaient se consoler de ce malheur. Ils en avaient perdu le sommeil et l'appétit, et faisaient pitié à Jean qui cherchait tous les moyens de les distraire.